Ce feu qui à peine mort se rallume, je le vois encore dans tes yeux tant il brûle, laissant qu'à laisser l'amertume s'envole d'un revers de la main à chaque fois. La rage qui me prend, qui m'attrape dans les tripes. La rage me surprend, c'est souvent qu'elle me quitte. La rage dans mon sang, et je veux qu'elle m'habite. La rage aux prémices, à les élans mystiques. La rage que je crains, aux humeurs lunatiques. La rage qui freine, les incantations lubriques. La rage qui anime, les désirs fanatiques. La rage noire, à les poussées frénétiques. La rage qui transcende.